n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même. Parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Presque 17 piges que je suis dans ce putain de monde. On souffre à cause des guerres et génocides. Le monde c'est l'agonie. Le mal est partout, alors garde ta langue au fond de ta poche. Et je repense à cette femme à trois tabassés, tout ça pour un mégo. Alors c'est ça, et gentleman, tabassé pour avoir à fumer. Dire que la ruelle que j'ai fréquentée a fini ensanglante. Fais gaffe à ton cul, je connais mes titres qui pourraient venir te canner. Suffit d'un coup pour mettre un KO. J'ai toujours voulu faire du bien, mais quand je vois que Jésus s'est fait crucifié, y'a de quoi hésiter. Tu penses que le monde est parfait? Eh bobo, retourne lire ta science fille. Quand le prof nous parlait dans ma tête, c'était fille. Donc ferme ta gueule et fais comme tout le monde. Rebranche ton cerveau à la wifi. Tu devrais reprendre le sport, rejoue à la wifi. Wifi, je suis pessimiste, mais t'étonne pas si je te dis que j'ai pas fini de faire la liste. Comme Val, j'ai d'autres mecs à horrifier. T'as deviné que pour ma douleur mentale, j'ai pas trouvé d'anesthésie. Et disons que si la vie est une cause, je me suis cassé la gueule au top départ. Non, j'ai pas fait les beaux-arts. Mais si je dois refaire ton portrait, je le ferai. Comme Icar, j'ai les plumes des mes ailes en flamme. Malheureusement, y'aura pas de bel atterrissage. Toujours cette putain de haine quand je te voyais fumer pétard sur pétard. Anti-vrai, c'est insomnie, je cours et fuis la nuit. Je te parle d'une vie sans paradis. Rongé par la tristesse, j'ai signé pacte avec le diable pour me venger de mes ennemis. Au bord de la table, j'ai troqué mon âme contre ta vie. Hanté leurs rêves jusqu'à l'horreur, j'ai pris leur lumière et leur trésor. Jésus-Christ, car il a peur de revoir ma mère un jour en pleurs. Je suis camp de chien berbère, arrête, je suis le seigneur de la guerre. Comme les fils sauf et les stépigés dans ton propre enfer. Je te vois plus briller comme Lucifer. Tu trouves mon rap catholique, sympathique. Mon flow est autarcique et symbolique et authentique. T'as voulu rapper mais t'as pas de lyrics. Après ma mort mon flow deviendra liturgique. Si tu veux je continue les rimes en hic, mais ça te rendrait amnésique. Moi aussi je sais rapper vite. L'industrie du disque est en faillite. Alors je m'installe et ensuite j'installe les composites. Effet masique, grave des textes syllabiques. Mon ami a pris la télécommande à l'envers. Du coup il appuie sur le bouton vert. La télé ne s'est pas allumée. Alors on n'a pas regardé le journal télévisé. T'es trompété, tu viendras taper à côté. Même déchiré, je trouve l'endroit où frapper. Tout faire pour avoir mon nom sur tes lèvres. J'aimerais entendre Carly, c'est toi la relève. Si t'arrives pas à percer, on te crève. Je continue à bosser pour que ma carrière ne soit pas brève. J'ai fait quelques erreurs, mon flow est ajustable. Améliorable mais pas copiable. Ta mère c'est une pitié, elle est abordable. Sans qui ce n'est pas testable. Être mon ami c'est préférable. Car sinon dans le cas contraire, on n'hésitera pas à te mettre la misère. Coup de couteau dans jugulaire. Je suis un homme carré, je suis angulaire. Ta femme m'a fait les soldes, t'as pleuré ton code bancaire. Je suis aussi sage que tibétain centenaire. Bref, elle est pour aussi d'un type ordinaire. Chacun ses soucis, pour le reste je dois le parfaire.